Chapitre 16e. Marité du Ménil. Une fois sur place, il eut la surprise de constater que celui-ci était accompagné d'une très belle femme qui devait avoir sensiblement le même âge que son ami. Malgré les années, la silhouette était demeurée fine et les yeux étaient admirables, verts, très grands, en amande, dont il possédait la couleur. D'entrée, Dutilleul jugea l'inconnue intéressante. Elle était aussi très grande et vêtue avec recherche. Elle le salua d'un charmant sourire. Charles Mercier fit les présentations. « Mon cher ami, pardonnez-moi de ne pas vous avoir prévenu. Voici Marité du Ménil, une amie très chère qui est de passage à Paris. Vous êtes tout excusé. Charmé de faire votre connaissance, Madame du Ménil, » répondit Dutilleul galamment. « Tout le plaisir est pour moi. Vous pouvez m'appeler Marité. Moi, Dutilleul. N'est-ce pas un peu grossier ? Absolument pas, je vous assure. » Naturellement, ils évoquèrent le sujet des tournelles, et une fois de plus, Dutilleul loua intérieurement à propos de son ami. Marité du Ménil avait enseigné un temps à l'institution. « Pas longtemps, » se hâta-t-elle de préciser. « Qu'en pensiez-vous, si je puis me permettre cette question ?»« Ce que j'en pensais, et ce que j'en pense toujours aujourd'hui, que c'était un endroit bien étrange, raison pour laquelle je ne m'y suis pas attardé, même si les appointements étaient plus que substantiels, surtout si l'on considérait le travail fourni, tant au niveau des élèves que des professeurs. Pour qui aimait se limiter au minimum, les tournelles étaient l'endroit idéal. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas ? Difficile à définir. J'avais la très nette impression de ne pas faire partie du club. J'ai été toujours laissé en dehors de certaines activités. Il y avait souvent des réceptions auxquelles je n'étais jamais convié. Vous comprenez, on m'a très vite fait sentir que je n'appartenais pas au sérail. Au début, je pensais que je pourrais m'en soucier comme d'une guigne. J'ai très vite compris que non, parce que bon nombre d'informations importantes étaient données au cours de ces réceptions. Si vous n'en étiez pas, il était pratiquement impossible d'apprendre quoi que ce soit par la suite. Ensuite, j'ai remarqué que de façon détournée, on me laissait volontiers les tâches les moins glorieuses, comme lessiver les tableaux ou balayer les salles. Si une permanence devait être faite le week-end, j'étais toujours inscrite sur les listes. Naturellement, j'étais très bien payé, cela va sans dire, mais très rapidement, le procédé m'a déplu. C'était devenu un point d'honneur. Puis un jour, naturellement, quelqu'un m'a craché le morceau. Bien involontairement d'ailleurs, mais le mal était fait. Vous comprenez, je n'étais pas de la famille. Malgré mes origines sociales, je ne pouvais rien apporter à l'établissement. Le travail que je faisais ne rentrait absolument pas en ligne de compte. Parce que les tournelles étaient une affaire familiale, s'étonna Dutilleul. Elles le sont toujours, du moins à ma connaissance, répondit Marité du Ménil. Tu en es sûr ? Intervint Charles Mercier. Naturellement. C'est même un sujet de grande fierté dans la famille. Établissement fondé en 1875 par Charles-Henri Regaudier. Des familles entières se sont succédées et se succèdent encore aujourd'hui aux tournelles. D'ailleurs, on pourrait plutôt parler de dynastie. De mon temps, 60 à 70 élèves pouvaient revendiquer des aïeux ayant fréquenté l'établissement. Mon amie Simone Rincard pourrait vous renseigner bien mieux que moi encore. Elle y restait beaucoup plus longtemps. Vous savez où habite cette dame ? Pour cela, c'est très facile. Elle n'a jamais voulu quitter Paris, même pendant les fêtes. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais assez rentrer en contact avec elle. Elle habite Picpus et se fera certainement un plaisir de vous renseigner. Elle est un peu bavarde, mais vous ne perdrez pas votre temps. Elle faisait partie du club, naturellement. Cela lui pesait, même si elle ne m'a jamais dit pourquoi. Parfois, elle paraissait complètement dégoûtée, en colère contre elle-même. C'était poignant. Nous sommes devenus amis parce qu'un soir, je l'ai trouvée complètement effondrée dans sa salle de classe, comme la porte était ouverte. Bien sûr, il lui était impossible de me dire ce qui la peinait à ce point, mais elle a été très sensible à mon geste. Nous sommes restés en contact, même après que j'ai quitté les tournelles. Comme souvent, l'esprit de Dutilleul se mit immédiatement en marche. Quelque chose qui lui aurait été par ailleurs impossible de définir lui disait qu'il tenait certainement là quelque chose à creuser. Soudain, ce repas pourtant agréable lui sembla s'éterniser, et il avait hâte de regagner son bureau. Néanmoins, par égard pour son ami, il contint son impatience. Puis Marité du Ménil était vraiment très belle. Une fois rentré au bureau, du Tilleul ne put résister davantage. Il lui fallait voir au plus vite cette Simone Rincard. Il savait parfaitement que son geste pourrait passer au mieux pour audacieux, au pire pour grossier, mais il n'avait pas le choix. Il devait rencontrer cette dame au plus vite. Sitôt revenu de déjeuner, il se jeta littéralement sur l'annuaire de Patricia Martineau et feuilleta sans ménagement l'ouvrage, qui heureusement en avait vu d'autres. Il ne fut pas long à trouver ses coordonnées et la place sur le champ. La dame répondit d'une voix douce, et s'il ne comprit absolument pas l'objet de son appel, elle ne le mentionna pas un seul instant. Il prit rendez-vous pour le lendemain, puisque visiblement cela ne la gênait pas le moins du monde. Il jugea ce premier contact très intéressant, mais il ne doutait pas une minute que les quelques éléments qu'elle lui apporterait modifieraient à jamais la physionomie de l'enquête. Du Tilleul était assez heureux en rentrant chez lui ce soir-là, et ceci à plus d'un titre. Tout d'abord, il était sûr qu'il venait de réaliser un joli coup avec cette Madame Rincard, qui, tout comme lui, ne devait guère apprécier les fêtes. Il l'avait tout de suite sentie coopérative et cela lui plaisait. Ensuite, quand il entra dans l'appartement, il eut l'agréable surprise de trouver Mado habillée et maquillée. Elle était parvenue, il ne savait bien comment, à dissimuler la plus grande partie de ses bleus. Un tel effort méritant à coup sûr une récompense, il décida de l'emmener au restaurant, même s'il ne put lui faire les honneurs de son troquet préféré qui lui était fermé. Louis, le patron, avait été très ferme. « Ma femme a besoin de repos. » Du Tilleul n'eut pas le mauvais goût d'insister. À quoi bon? Il serait heureux d'y retourner début janvier. Il se rabattit donc sur un restaurant de fruits de mer, mais il ne tarda pas à regretter son choix. Certes, l'endroit était bien tenu, et la nourriture au-dessus de tout reproche, mais il le trouva finalement sans âme et bien trop bruyant. Il y avait cette ambiance forcée de fête qui laborait. Mado lui semblant fatigué, ils ne s'éternisèrent pas et se jurèrent bien de ne pas y retourner car en plus, l'addition comportait une bonne dose de sel. Ils rentrèrent en taxi, même si en fait ils n'étaient pas loin de l'appartement. Ils parlèrent un peu, puis allèrent se coucher.